Le non-lieu par J.H. Rony. Le 30 juin au matin, je fus arrêté. J'étais épuisé de fatigue car je venais de passer la nuit à chercher un abri. Toutes les portes se fermaient devant moi, je ne protestais même pas. Je voyais l'égoïsme des gens comme on découvre la moisissure sur des objets qu'on croyait bien à l'abri, dans une armoire saine. Sans l'instinct de la conservation, j'aurais tout lâché par dégoût. Mais je voulais vivre, et je sentais qu'une fois enfermé dans les griffes d'une justice, qui a quelquefois de l'imagination, mais jamais de finesse, j'étais perdu. La preuve que je n'avais pas assassiné Claire Martefoy devenait impossible, et à la vérité, je l'avais bel et bien assassinée, puisqu'elle s'était tuée dans un accès de désespoir causé par mes intentions de rupture. Je la revois encore, braquant son revolver, me menaçant, et finalement, comme une petite fille qui ne sait pas jouer avec des armes aussi terribles, pressant juste assez la gâchette pour soulever un peu le chien. Je me rappelle bien que je fus pris d'une sorte de délire, que je me jetais sur Claire en hurlant mort et massacre pour lui arracher le revolver. Elle me résista. Nous roulâmes par terre, affolés, moi, criant toujours, Claire, soudain calmée, essayant de me rappeler à moi-même, me jurant qu'elle ne se tuerait pas, me suppliant de la laisser mettre le revolver en sûreté. Par un jeu absurde, mais tellement humain, je voulais qu'elle me remît l'arme afin de lui faire éprouver à mon tour l'indicible effroi. Elle disait « Non, non, tu ne l'auras pas, mon chéri, je t'en prie, laisse-moi me relever. » Sans répondre, je poursuivais sa main qui me glissait entre les doigts. Elle s'affaiblissait, elle se sentait près d'être vaincue, et c'est alors qu'elle brandit d'une main le revolver tout en s'accrochant à moi de l'autre main. J'étais couché sur elle, je la sentais toute frémissante, comme il arrive aux femmes passionnées que toute querelle exalte vers l'amour et qui finissent volontiers les disputes en baisers. En cherchant le revolver, qu'elle avait d'abord caché sous elle, sa main gauche s'était glissée derrière sa taille. Mon cœur battait littéralement sur son cœur. C'est dans cette minute qu'une détonation retentit. Je sentis le corps de Claire frémir sous une atteinte mortelle et presque aussitôt sa tête, qu'elle soutenait pour chercher mes lèvres, retomba lourdement sur le plancher. Je n'y compris rien d'abord. Il me semblait que le plafond avait croulé sur nous. J'étais muet, crispé, paralysé. L'homme n'a pas le pouvoir de passer aussi rapidement d'un état à un autre. J'avais encore le masque bouleversé de la colère, à peine nuancé par l'espèce de cruauté amoureuse qui nous vient de la volupté quand on enfonça la porte et qu'on nous trouva embrassés. Claire, frappée en plein cœur, n'était plus qu'un cadavre. Son sang m'avait mouillé. J'en avais aux mains. J'en avais au visage. Ceux qui entrèrent me saisirent en me traitant de misérable. Je ne répondais rien, anéanti. Je ne trouvais un peu de force que lorsqu'un tout petit monsieur, s'étant penché sur Claire, déclara qu'elle était morte. « Morte ? » m'écriai-je. « Ma pauvre Claire !»« Vous auriez pu vous dire cela auparavant ?» répliqua l'autre. « Ignorez-vous que les gens meurent quand on leur tire une balle de revolver dans la poitrine ?»« Moi ? » dis-je. « Moi, j'ai tiré ?» À moins que ce ne soit moi ou ces messieurs. Ou peut-être, voulez-vous dire, monsieur, fit le patron de l'établissement, qui me semblait disposé à défendre sa clientèle, que c'est la dame elle-même? Non, non, murmurai-je. C'eût été difficile à soutenir, répliqua le tout petit monsieur qui avait constaté la mort, car la pauvre femme n'aurait guère eu la force de jeter ensuite son arme à la distance où vous pouvez tous l'apercevoir, là-bas, près de la commode. D'ailleurs, ajouta un garçon, « Voilà bien une demi-heure que je suis derrière la porte, et la dame a crié au moment où elle allait recevoir la balle. « Misérable, tu ne feras pas cela !» Je n'ai jamais pu pénétrer pourquoi le garçon tenait un pareil langage. S'il avait été dupe d'une hallucination, ou si c'était chez lui un accès d'amour pour le mélodrame. Mentait-il de propos délibérés uniquement pour me perdre? Qui le dira? Les natures simples sont tellement sujettes aux fluctuations de l'instinct. En tout cas, je vis bien que je serai accusé de meurtre et que j'aurai la plus grande peine à prouver mon innocence. Le flair des juges d'instruction m'a toujours paru une chose problématique. J'étais sûr, au contraire, de m'en tirer si, demeurant libre, je pouvais examiner moi-même avec soin toutes les circonstances de la mort de Claire. J'avais donc bousculé les témoins. Je m'étais enfui, ajoutant cette charge à toutes celles qui m'accablaient. Mais, traqué par la police, repoussé par mes amis, je fus pris au moment où je rentrais chez moi. Pour comble de malheur, l'instruction fut confiée à un de mes anciens camarades de Saint-Louis, garçon envieux et vindicatif, à qui j'avais joué plus d'un mauvais tour et qui me tint pour coupable avant que j'eusse ouvert la bouche. « Cette pauvre Claire Martefoy, dit-il avec un hideux sourire, ne vous connaissez guère. Sans cela, elle eût sans doute mieux choisi. Je préférais le scalp, je crois, au supplice d'être persiflé par un être qu'on méprise. Cependant, je sus me contenir, et c'est au sein de mon plus grand trouble que j'entrevis une lueur d'espérance. Je laissai le juge dérouler à son aise la chaîne bien forgée des preuves. Il se complaisait à cette besogne et les présomptions étaient telles qu'il semblait improbable que je pusse échapper à la cour d'assises et à la prison. Quand il eut fini, je déclarai tranquillement « Je ne dirai pas un mot ici, mais je promets de parler dans la chambre du crime devant mon avocat et les témoins. » Le juge me regarda avec colère, se demandant sans doute quelle preuve d'innocence je pourrais trouver que lui ne pût à son tour anéantir. Cependant, ma demande était trop raisonnable pour qu'il n'y acquiesçât point. Nous fûmes tous, le lendemain, dans la chambre funéraire. J'éprouvai la plus forte émotion de ma vie. Je versai quelques larmes. « Se repentir vous honore, murmura le juge, et pour vous servir à obtenir des circonstances atténuantes. « Je ne pleure pas de repentir, criai-je, mais de douleur et de regret. » Et tout aussitôt, m'étant fait désigner la place exacte où l'on avait retrouvé le revolver, je me jetai à genoux et me mis à chercher ce que je savais devoir être la piste de la balle. On me regardait avec stupéfaction et mon avocat voulait me relever quand il aperçut une expression de triomphe sur mon visage. « Voyez, voyez, dis-je, d'une lèvre tremblante, la belle a fait une encoche au bas de la commode, puis l'a encore éraflé le pied de la table, et c'est seulement ensuite qu'elle a frappé ma pauvre amie. » Tous penchés suivaient la direction de mon doigt. Le juge était blême. Mon avocat ne cacha pas sa joie. J'expliquai alors que Claire avait dû jeter le revolver loin d'elle, au moment où j'allais le lui arracher, et que le coup était parti de lui-même. La chose parut évidente. Le juge n'osa pas me retenir, et je bénéficiais d'une ordonnance de non-lieu. J.H. Rony.